بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخذنا ناقدان أمس ونبخي دو ناقد من نواقد الإسلام كيسون من أبغض شيئا من دين الله عز وجل et il déteste une chose qu'Allah Azzawajal a légiféré. Ou yastahzi, bidalika, il se moque. Et le troisième, c'est le sihr qu'on a pu voir. Et ces trois-là, ils font partie des nawaqid de l'islam. Non. On va poursuivre, inshallah. Qala rahmahallahu ta'ala. Qala athamin. Mubahat mushrikin mu'awanatuhum ala al-muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna allaha la yahdi al-qawm al-zalimin. Le huitième, naqid min nawaqid islam, qala rahmahullahu ta'ala, mudaharat al-mushrikin. Al-mudahara bima'na al-muhawana. Bima'na al-muhawana, bima'na al-tahawun. L'entraide. Yani yu'in al-mushrikin. Ala al-muslimin. Il aide les mushrikin afin qu'ils prennent le pouvoir sur les muslimin. Fa'in fa'ala thalika, mahabbatan lish-shirk. وَمَحَبَّةً لِمَا يَحْمَلُونَ مِنَ الْكُفْرِ أَوْ النِّفَاقِ. Il le fait afin que ce soit le shirk qui soit secouru sur l'islam et sur les musulmans. S'il fait مَحَبَّةً لِهَذِي الْمَرْسِيَةِ qui est le shirk, s'il le fait par amour pour cette marsiya-là, ça c'est du kufr, c'est la ridda. Et c'est ce qui est voulu ici. C'est ce qui fait sortir l'islam. Si jamais il fait cela, il aide les kuffars par amour pour leur mécréance. فَهَذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ لَا شَكْ وَلَا رَيْبَ فِيهِ. وذلك قال والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم الآن التولي الشرعي c'est quoi? C'est le fait d'aimer une personne pour sa religion ou bien de la secourir pour sa religion, l'aider pour sa religion. هذا هو التولي. Il y a le فرق بين التولي وبين الموالة. الموالة ça ne fait pas sortir l'islam, parce que الموالة c'est le fait de, mathalan, aider. Al-Mawala, les mushrikines en parlent. Al-Mawala, les mushrikines. Al-Mawala, c'est le fait de les aider, ou bien de les aimer, là pour Ad-Din. Lakin, pour une maslaha dunyawiya, pour un intérêt qui est dunyawi. Comme ça a été le cas avec Hatib, ou plutôt Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a. Il avait Mecca, كان عنده أهل. Il avait une famille à Mecca. وهذا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتقوى الإسلام. يعني الإسلام avait commencé à prendre force. Et il y avait certains des sahaba qui avaient fait le hijra مع النبي صلى الله عليه وسلم qui avaient délaissé leur famille في مكة. Ceux parmi ces sahaba qui avaient une قبيلة qui était forte, leur famille, ils étaient épargnés à مكة, ils ne les touchaient pas. Et ceux dont la qabila était faible, où il n'y avait personne pour défendre leur famille, en vengeance de cela, les mushrikun, ils s'en prenaient à leur famille. Ceux qui avaient fait le hijra, parmi les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se vengeaient sur la famille des sahaba qui étaient restés à Mecca. Et Hatib ibn Abi Balta'a, rahimahullah, radiyallahu anhu, il faisait partie de ces gens-là. Et qui avait fait le hijra et qui avait laissé certains membres de sa famille à Mecca, sans qu'il y ait de personnes qui les défendent. Fa khashi alayhim, il a eu peur pour eux. Fa madha fa'al, il a conclu un pacte avec les mushrikins de les prévenir de l'avancée du jaysh, yani de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il y avait une guerre, afin qu'ils se préparent. Fa il avait envoyé une lettre par l'intermédiaire d'une femme. Wallah subhanahu wa ta'ala faddaha, il a dévoilé. فأمر علي رضي الله عنه de rattraper cette femme là et de prendre la lettre qu'elle avait dissimulée. فجاء علي الى تلك المراه فطلب منها الورقه, il a demandé de qu'elle lui sorte la feuille. Elle a dit j'ai rien. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه, il savait qu'elle avait quelque chose parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a évoqué. Il lui a dit si jamais tu sors pas cette lettre là, je vais te mettre tout nu et je vais prendre la lettre de force. فخافت على نفسها فأعطت الورقة, elle a donné la lettre. فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, il est revenu avec cette lettre là, et dans laquelle c'était écrit yani de la part de Hatib ibn Abi Balta'a ila al-mushrikin, et il avait évoqué dans cette lettre là yani que de l'avancée des musulmans, que le jaysh, l'armée était en route. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب et lui a demandé ما حملك على هذا يا حاطب, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, qu'est-ce qui t'a poussé, quelle est la cause de cela? Parce que Hatib, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a شهد بدر, il était là pendant la bataille de Badr. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما اوحى اليه سبحانه وتعالى يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اصحاب بدر الله عز وجل les a favorisés. Ces personnes-là, ce sont des gens sincères. Et quoi qu'il arrive, et quoi qu'ils fassent, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner tawfiq, la réussite, pour qu'ils puissent revenir sur l'islam et être beaucoup plus forts. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait cette faveur-là, à cette personne-là qui ont eu de la fermeté pendant cette bataille-là, Al-Badr. Et lui, il en faisait partie. Fédalika, an-Nabi sallam mastahjala. Il ne s'est pas précipité. Parce que arafa anna hadha shakhs yani min al-fudala, il fait partie des bonnes personnes, des personnes de mérite. فقال ما حملك على هذا, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Il sait que c'est pas mahabbat al-nihawala, il veut savoir c'est quoi ce sabab. ثم ذكر له, le sabab, comme quoi que il avait personne qui défendait sa famille à Mecca, il a vu comme dernière issue de faire ce genre de choses là qui est une marsiya, qui est une kabira min al-kaba'ir, qui est un grand péché. لكن لم يفعل ذلك محبه للكفر كما قال. Il a évoqué ما فعلت ذلك محبه للكفر. فقال هو رحمه الله تعالى قال ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. Il a dit Hatib, lorsque le Nabi sallam il a demandé pourquoi tu as fait cela, il a dit wallahi, j'ai pas fait cela pour le kufr ou bien pour la ridda yani محبه لهؤلاء, ni كذلك par agrément du kufr après l'islam. Lakin, j'ai fait cela parce que j'avais pas de personne qui pouvait défendre ma famille. Donc il montre bien la niya. Là ça s'appelle quoi? Al-Muwala. Parce qu'Allah Azza wa Jal, par rapport à ce hadith là, il évoque une ayah. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mahabba. Hadi al-ayah, ils ont dit les ulama, les descendus sur Hatib par rapport à son affaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ya ayyuhalladhina amanu fanadahum bismil iman. Il les a interpellés par le nom de l'imam. Donc ça montre que la chose qu'il a fait n'est pas du kufr. Ça fait partie des kabira min al-kaba'ir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé la qa'a'la, ya ayyuha allazina amanu. La tattakhidhu, ne prenez pas. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Vos ennemis, mes ennemis et vos ennemis. Awliya, des alliés. Ay tuhibbunahum. Qala tulquna ilayhim bil mawadda. Parmi les choses qu'ils font, yani, ils les aiment. Lakin laysa mahabbatan lid-din. Ils les aiment pas par rapport à la religion. Par rapport à la dunya. Par rapport aux intérêts dunyawiya, faqat. Donc ça montre yani qu'il y a un farq entre at-tawalli wa al-muwala. Al-muwala c'est mahabbat al-kuffar. La li ajli ad-din, lakin li ajli ad-dunya ou li ajli maslaha dunyawiya, comme c'est le cas dans cette qissa-là. Il a juré par Allah Azza wa Jalla qu'il a pas fait cela par agrément de la mécréance ou bien de l'apostasie. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني اضرب عنق هذا المنافق. Laisse-moi frapper la nuque de ce munafiq, parce que ça c'est du nifaq. Lakin c'est du nifaq qu'ils appellent amali. C'est du nifaq amali, c'est pas du nifaq i'tiqadi. Ça c'est min amal al munafiqin. Yani qui font les asbab, les causes pour que le kufr règne sur l'islam. Lakin hawla, ils le font par amour du kufr et du nifaq. Amma hada, il n'a pas fait par amour du kufr et du nifaq, par rapport au fait qu'il y avait personne qui défendait. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala innahu qad shahida badra wa ma yadrika la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yakun qad ittala'a ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Ensuite nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris Umar lorsqu'il a dit cette parole là, laisse-moi frapper la nuque de ce munafiq. Il a dit cette personne là a été présent à Badr, dans la bataille de Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué pour ces personnes-là qu'ils étaient présents à cette bataille-là, que quoi qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les pardonner. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de faire le péché. Lakin, ce sont des hommes parmi les hommes qui font des erreurs. Ils ne sont pas marsoum. Ils vont faire des erreurs. Lakin, quoi qu'il en soit, ces erreurs-là ne vont pas les nuire, parce qu'Allah azza wa jalla, il va leur donner tawfiq. Il va les pardonner. Donc si jamais il va les pardonner, il va leur donner l'asbab tawba. Il va leur donner la réussite afin qu'ils fassent tawba et qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-muhim hadhihi al-qissa, elle nous montre que al-muwala, yani aimer al-kuffar li ajli ad-dunya, par rapport à la dunya, ça fait pas partie des choses qui font sortir l'islam. Donc là il faut bien comprendre, mu'awanatu wa mu'awanatuhum 'ala al-muslimin, et de les aider sur les musulmans, ça peut être de la mécréance comme ça peut ne pas être de la mécréance. Ça devient de la mécréance si jamais il aide le kuffar mahabbatan li kufrihim, par amour de leur kufr, par amour de leur religion. Amma si il le fait, yani il aide les kuffar sur les musulmans, lakin laysa mahabbatan li dinihim, lakin mahabbatan li ad-dunya ou li al-hawa, par passion il fait cela, non pas par l'amour de la mécréance. Fahada, c'est pas du shirk, c'est pas de la mécréance, c'est pas un aqid min awaqid de l'islam, ça fait pas sortir l'islam. Lakin c'est une kabira min al-kaba'ir, c'est un grand péché et ça fait partie du nifaq. Parce que Omar, lorsqu'il a dit laisse-moi frapper la nuque de ce munafiq, si jamais ça aurait pas été le cas, un Nabi Sam, il aurait dit pourquoi tu dis de cette personne là que c'est un munafiq. Lakin hauna, il a eu du nifaq, c'était l'hypocrisie. Lakin c'est pas l'hypocrisie qui est majeure, comme il dit. Al-nifaq al-i'tiqadi, c'est un nifaq qui est quoi? Amali. Comme le fait de mentir. Ça fait partie des signes des munafiqs. Faqad an-nabi sallam arba'a man kuna fi kana munafiqan khalisa. Idha haddasa kadhab, lorsqu'il dit une chose, il ment. Fa tu as le droit de dire munafiq à une personne qui fait du nifaq et amali. C'est-à-dire que il a les mêmes signes que les munafiqs, lakin c'est pas un munafiq. Parce que dans son cœur il y a l'iman et la foi. Amma al-munafiq, dans son cœur il n'y a pas l'iman et pas la foi. Mais tu peux dire, comme c'est le cas, il a dit munafiq. Le fait de mentir, c'est pas du nifaq qui est, comment ça s'appelle, barakallahu fik, majeur. Le fait de ne pas tenir ses promesses, c'est pas du nifaq qui est majeur. Lakin, c'est un nifaq qui est mineur. Mais tu peux désigner cette personne-là comme en étant munafiq. Adakada, les cas, ça revient à la question que tu as posée, Yanni, par rapport au fait de mettre des étiquettes. Ce hadith-là, kada, les cas, nous prouve que tu peux mettre une étiquette par rapport à des œuvres, tu vois. Par rapport à des œuvres. Cette personne-là qui fait, dont il réunit ces quatre choses-là, et bien là, ça montre que tu peux dire de cette personne-là, c'est un munafiq. Lakin, comme on a pu voir, Al-An, si jamais tu dis munafiq à une personne, il pense que quoi? Tu es sorti de l'islam. Lakin, ça nous montre que tu, par rapport à l'œuvre, tu donnes un nom à cette œuvre-là. Il y a beaucoup d'exemples. Al-Khalasa, Al-Muwala, il faut bien faire la différence entre les deux. Al-Muwala, c'est quoi? Mahabbatul kuffar laysa li ajli ad-din, lakin li dunya, par rapport à un intérêt qui est mondain. Wa tawalli, ça c'est le kuffar billahi azza wa jal, c'est-à-dire de les aimer mahabbatan lil kuffar mahabbatan li dinihim. Fahada, c'est tawalli, et c'est la ayah qui est évoquée ici. Wa man yatawallahum, et celui qui les aime ou bien qui les aide pour leur din, qala fa innahu minhum, il est semblable à ces personnes-là. Bel, il fait partie de eux. Pas semblable. Fa innahu minhum. Il en fait partie de ces personnes-là. Et al-kuffar. Qala inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas. Wa huna al-qawm al-zalimin, c'est al-zulm al-akbar. Inna al-sharka la zulm al-azim. C'est le plus grand des zulms. Lakin kadalika, il y a des zulms qui fait sortir l'islam. Comme le kuffar. Le kuffar kadalika, c'est des zulms. Et ça en fait partie. C'est le grand zulm هنا. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Al-zulm yanqasim ila qismayn. Zulm yukhri sahibahu min al-islam, qui fait sortir de la personne de l'islam, ça devient un impostor. Wa zulm la yukhrijuhu min al-islam. Lakin ha huna al-zalimuna bima'na al-kafirun. Na'am. Wal-kafiruna hum al-zalimun, comme qala subhanahu wa ta'ala. Al-kafiruna hum al-zalimun. Les kuffar, ce sont les injustes, les plus grands injustes. Wa inna Allah la yahdi bima'na la yuwaffiq, il donne pas la réussite. Wa kadhalika la yurshid, il ne guide pas, yani il ne montre pas la vérité à ces personnes là il les laisse dans l'égarement. Naam. Fa hadha huwa al-muwala, al-muwalla wa at-tawalli. Al-Sheikh Salah al-Sheikh, il a bien expliqué ça dans Usul al-Thalatha. C'est l'un des seuls qui a bien expliqué cette chose là la différence entre at-tawalli et al-muwala. Les deux, c'est une kabira. Une fait sortir de l'islam et l'autre non. At-tawalli fait sortir de l'islam. Wal-muwala ne fait pas sortir de l'islam. Naam, fahada. C'est un aqid min awaqid l'islam. Wahada bil-ijma'a. Tam, hada bil-ijma'a. La shak wa la raiba fi. Naam. واضح إن شاء الله. تام. قال التاسع: قال من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. قال التاسع: من اعتقد celui qui pense qu'il a la conviction أن بعض الناس que certaines personnes يسعه الخروج qu'ils ont la possibilité qu'ils ont choix qu'ils ont le droit الخروج عن شريعة محمد qu'ils ont le choix de ne pas s'affiler et de rentrer dans la religion de Muhammad. Ils ont le choix de prendre une autre religion ou de suivre un autre prophète alayhi salatu wassalam. Qala kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an shari'ati Musa, comme ça a été le cas yani pour Khadir. Allah azza wa jalla lui a permis de pouvoir suivre une sharia, une religion, une législation qui est pas celle de Musa. Qala fa huwa kafirun, celui qui pense cela c'est un kafir, sans même œuvrer, c'est-à-dire que même si jamais يعني il prie, il donne zakat, il fait siyam et l'akhiri, lakin il a cette conviction là, si jamais يعتقد ذلك في قلبه هذا قد خرج من الإسلام. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. ومن ذلك قول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui cherche une religion autre que celle de l'Islam, jamais Allah عز وجل va lui accepter. قال وهو في الآخرة من الخاسرين. Il sera parmi les perdants, yawm al-qiyama. Et al-khusran huna, c'est al-khusran al-mubin. Al-khusran al-akbar. La grande perdition, qui est le kufr billahi azza wa jal, elle montre à la zalika, qui meurt sur cela. Wa qala subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah azza wa jal, et qui est acceptée, et qui est agréée, c'est l'islam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu 'alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose qu'Allah Azzawajal agréé comme religion en dehors de l'islam. Kama qala, si jamais celui qui recherche une autre religion de l'islam, Allah Azzawajal ne va pas lui accorder. Fala yuqbala min. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, law kana Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i. Si Musa alayhi salam il était vivant, il n'aurait pas eu autre choix que de me suivre, de suivre la législation sur laquelle je suis venu. Parce que c'est Khatam al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'autre envoyé. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulallah wa Khatam al-Nabiyyin. Le dernier des messagers. Et certains, ils ont pris cette ayah-là, ils l'ont mal interprété. Ils ont dit Khatam al-Nabiyyin, bima'na zinat al-Nabiyyin. Yani la zina bima'na la beauté. Yani c'est le plus beau des prophètes, yani c'est le meilleur des prophètes, bima'na. وخاتم النبيين بمعنى c'est le meilleur des prophètes. La chaque fois Rayafi c'est le meilleur des prophètes. كما قال أنا سيد بن آدم. Je suis le سيد بن آدم. Je suis le meilleur parmi la descendance de Adam. Ça c'est la chaque fois Rayafi. Nul doute sur cela. Lakin, ce qui est voulu dans la ayah c'est que c'est le dernier et non pas le meilleur des prophètes. Le dernier des prophètes. والمهم il y a un hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن النبوة والرسالة قد انقطعت. La prophétie et le messager sont interrompus. انقطعت. قال فلا نبي ولا رسول بعدي. Il n'y aura pas de prophète et ni de messager après moi. Donc ça c'est un hadith qui est واضح جدا que c'est le dernier des prophètes. Donc si jamais c'est le dernier, il n'y a personne après lui. Donc on ne peut pas prendre en dehors de lui quelqu'un d'autre pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il n'y a plus personne après lui. فذلك كان عيسى عليه السلام lorsqu'il va descendre في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Il va juger par la religion du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui pense cela il est sorti de l'islam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي رجل من أمتي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. Il dit toute personne qui a entendu parler de moi, de ma venue, qu'il soit Yahoudi ou qu'il soit Nasrani, ensuite, il ne croit pas à cette religion-là qui est l'islam, et il ne me suit pas, il fera partie des gens de l'enfer. Ou le hadith anda, al-imam muslim, rahimahullah ta'ala. Fa'al-adil fi zalika min kitabin, wa sunna kathiratun jiddan. Et les ulama, ils sont tous mujma'un alayhi. Ils sont tous unanimes. Fa'al shaykh al-islam, rahimahullah ta'ala, il évoque l'ismah, comme fi majma' al-fatawa. Dans le Al-Mujallah 28, 25, 524. الاعتقاد معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من صوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر. Ça c'est معلوم بالاضطرار, c'est une chose qui est connue auprès de tout le monde dans la religion et باتفاق المسلمين بجميع المسلمين. Là c'est plus fort que اتفاق العلماء, يعني c'est l'unanimité des musulmans, c'est tous les musulmans qui sont d'accord sur cela. أن من صوغ اتباع شريعة غير محمد, que celui qui rend possible de pouvoir suivre une religion, plutôt une sharia autre que celle du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Et c'est ma'loum al-din bil-tirar, c'est-à-dire que celui qui vient et qui essaie de polémiquer, hein, et de dire oui, mais peut-être que il y a peut-être une autre voie, ceci, cela, ça, il n'a même pas besoin de s'attarder avec lui, parce que c'est des choses qui sont connues. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa khayr hadi Muhammad. Et comme on a pu évoquer, khayr hadi, c'est pas dire qu'il y a une autre guidée qui est bien, mais celle du prophète est mieux. Non, khayr hadi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre guidée. C'est la meilleure. Il n'y a pas d'autre guidée que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui pense cela, il n'a pas attesté anna Muhammad Rasulullah. Et celui qui n'atteste pas que Muhammad Rasulullah, c'est un kafir. Celui qui dit la ilaha illallah faqat, il n'atteste pas Muhammad Rasulullah, c'est pas un mu'min. La Bouddha min Muhammad Rasulullah wa la ilaha illallah. Fait ça, c'est une chose qui est totalement en contradiction avec Muhammad Rasulullah. Donc ça, c'est du kufr billahi azza wa jal. Wadih. Après, comme on a pu évoquer, c'est al-madhahib. Ça rentre pas dedans. À partir du moment qu'il sait qu'il doit suivre le prophète, lakin, il dit je prends aide de ces livres-là et de la compréhension de ces ulama-là afin de m'approcher, yani, le mieux d'Allah Azza wa Jal. Parce que je vois que ces personnes-là étaient les personnes qui avaient la meilleure compréhension de l'islam, ceci et cela, et moi je suis quelqu'un d'âme, mais qui n'a pas la possibilité d'être indépendant dans mes choix, donc. Je suis ces personnes-là, pas parce qu'il faut les suivre que c'est des anbiya, lakin, parce que pour moi c'est des personnes qui ont la meilleure des compréhensions. Ala la base bihi fil haqiqa, parce que c'est quelqu'un qui, comme ils ont dit, hein, c'est mieux qu'il suit l'imam Ahmed et qu'il se mette à lui-même interpréter l'islam. Hein. Ça c'est clair et net. Lakin, celui, c'est pour ça que talab al-ilm c'est wajib ala kulli muslim. C'est pas une excuse cela. Il faut qu'il apprenne, tu vois. Donc, afin de lui voir, hein, quel est le haqq dans la mas'ala, dans les sujets. Mais si jamais, comme c'est le cas de Yanni Kassir, mais al-Muslimin, il n'a pas la possibilité de talab al-ilm et de comprendre les choses, yani, excepté par l'aide des savants, dans ce cas-là, comment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse al-zikri, in kumtum la ta'alamun. Lakin, il ne doit pas avoir un ta'assoub. C'est ça le truc. Le problème, c'est ça. C'est qu'ils ont un ta'assoub pour une personne, mu'ayyan. Alors que Allah Azza wa Jalla, il a dit fas'alu ahl al-dhikr, les gens de la les ulama, yani, et le ulama c'est pas juste Shafi'i, il y en a plein. Fa'ala c'est muhim, yani, par rapport à un tanbih, par rapport à ça. Tab le dernier inshallah. Qala al-ashir. Qala al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wa dalil qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna min al-mujrimina muntaqimun. قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل أو بخمسة أبخي أبليسي. قال الإعراض العاشر لدعني إن شاء الله تبارك وتعالى من نواقض الإسلام مما ذكر الشيخ الإسلام النجي رحمه الله تعالى كما نبيبار يسون با نمبر دي ديس لكن يبوكو بيو دي نواقض كسولة. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ني يتعلم, والله سبحانه وتعالى قد أوجب طلب العلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال طالب العلم واجب على كل مسلم. C'est une obligation sur chaque individu, sur chaque musulman ou musulmane. يجب عليه. وأول ذلك فعلم أنه لا إله إلا الله التوحيد. فلا يستطيع أنه يعبد الله عز وجل على جهل. Et comme on a pu voir, لا إله إلا الله لا بد من العلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فلابد من العلم قال ولا يعمل به متعطل عن العمل وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى سبب إيمان الإيمان علم وعمل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال العلماء الهدى هو العلم النافع الهدى c'est la science qui est profitable, c'est celle qui donne naissance à des عمل qui rentre dans le cœur et qui donne naissance sur les membres aux œuvres. Wa din al-haq, c'est l'amal. Al-amal al-salih. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح إذا دخل العلم. صلح الجسد كله. Ces membres كذلك ils seront sains. وإذا فسد فسد الجسد كله. إذا لا يوجد فيه العلم il n'y aura pas d'œuvre. Et le fait de ne pas œuvrer, ça c'est pas l'iman. Lorsqu'on dit مثلاً الذين آمنوا مثلاً قول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا من هم الذين آمنوا. الإيمان كما قال العلماء هو قول وعمل واعتقاد. فالذين آمنوا ceux qui ont cru, les croyants, ce sont ceux qui ont des convictions. Ils ont كذلك القول يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويعملون. C'est obligé d'avoir des œuvres. Et ça, بالإجماع. Il a évoqué l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, où ta'ala, que l'iman, al-i'tiqad, al-qol, ou al-amal. Et il a dit, rahimahullah, ta'ala, la yudzi ahadun min hadhi athalas illa bil-ukhra. Et on ne pourra pas juger de la validité de l'iman d'une personne si jamais on ne trouve pas ces trois choses-là. Et elles sont liées. Il n'y a pas d'iman sans qol. Il n'y a pas d'iman sans amal. Il n'y a pas d'iman sans i'tiqad. C'est impossible. Il faut l'i'tiqad, il faut l'amal, il faut le qul. Ces trois choses-là. فَالَّذِي لَا يَتَعَلَّمْ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ idelas l'islam لَا يَعْمَلُ بِهِ هَذَا بِالْإِجْمَعِ c'est pas l'iman. كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ الْإِمَامَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ si jamais il n'est pas mu'min, c'est qu'il est kafir. Parce que l'iman, c'est ces trois choses-là. وَمِنْ ذَلِكَ الْعَمَلُ فَالَّذِي لَا يَعْمَلُ وحتى لو كان يعمل مثلا ب يعني بالذكر وهذه الأشياء لكن لا يعمل بالصلاة وهذه الأشياء الأخرى فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى ممس جمال الاعتقاد ممس جمال شهد أن لا إله إلا الله يفعل أذكار لكن لا يصلي هذا كافر بالله سبحانه وتعالى ترك جميع الأعمال لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا أي شيء إنما يذكر الله مثلا في الذكر هذا لا يكفي ولا ينفعه لا بد من العمل لا بد من العمل هذا لا بد منه فإذا أعرض عن الدين جمع يعرض عن العلم لكن يعمل به هذا شبه بالنصارى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل يعملون إزاف لكن لا يتعلمون un peu comme les tabliers ils ressemblent pour moi c'est les نصارى de notre أمة l'établir. C'est les chrétiens de notre ummah. Un peu comme les témoins de Jéhovah en plus, tu vois. Yeah, tu vois, c'est un peu comme eux. Yani, ils sont pleins de bonnes intentions, lakin la yata'allamun. Yalla yata'allamun. Ça donne naissance à la bid'a. Wa alladhi yata'allam lakin la ya'malu bih. Il apprend lakin il n'œuvre pas. Fa hadha shabahun bi al-yahoud. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. الله عز وجل l'a donné comme exemple de celui qui apprend mais ne met pas en application sa science comme si jamais c'était un himar, un âne. يحمل الأسفار, un âne sur lequel on met des أسفار بمعنى الكتب. On met des œuvres, des encyclopédies sur son dos. لكن الحمار لا ينتفع به. لا ينتفع به. نعم. وكمثل الكلب. كما قال سبحانه وتعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تم كذلك الله عز وجل كي لدني إلى فافور العلم ثم ترك ذلك قال فمثله كمثل الكلب نعم فلابد من العلم ولابد من العمل ولابد من العمل لوسكي دي لا يتعلم ولا يعمل به أي مطلقا catégoriquement, il n'œuvre pas. Ou, il y a ce qui est voulu à l'Al-Sahih, ça c'est Bittifaq. Lorsqu'on dit Bittifaq, il y a Bittifaq et Al-Sunnah. عند Al-Sunnah, الذي لا يعمل بالدين, يعني لا يعمل بأركان الإسلام, ولا بشيء من الأعمال الظاهرة, les œuvres qui sont apparentes, هذا c'est un kafir en billah. عند Al-Sunnah. أما عند المرجئة, المرجئة, ils disent que العمل, ça ne fait pas partie de l'Iman. Œuvrer, ça ne fait pas partie de la foi. Ça ne fait pas partie de la base de la foi. La kine dit, ça fait partie de la perfection de la foi. Si jamais il œuvre pas, il a toujours la foi. Parce que pour eux, la foi, c'est qol ou al-i'tiqad. À partir du moment qu'il a al-i'tiqad et qu'il a prononcé l'attestation de foi, pour eux, c'est un mu'min, même si jamais il œuvre pas. Pour eux, la base de la foi, al-iman, il est bâti sur deux choses. Al-i'tiqad ou al-qol. Amal Amal, si jamais il les ramène, c'est mieux. C'est un supplément. C'est une ziyada fi l'iman. Ça va augmenter sa foi. L'Aqil, si jamais il délaisse les œuvres, pour eux, ça va diminuer la perfection de la foi, mais ça ne va pas annuler la foi. C'est-à-dire que ça sera toujours un mu'min. Ça, c'est Indal Murji'a. Et malheureusement, tu vois, Cheikh Rabia, il défend ce genre d'aqidah-là. Il dit Al-Iman, Qawlun wa Amalun wa Atiqad. Yazid wa Yanqus. Ça, c'est la parole de Ahlus Sunnah. Al-Iman, c'est un ensemble de paroles, d'actes et de convictions qui peuvent augmenter et descendre. Yazid wa Yanqus. Lakin, lui, il dit que si jamais tu délaisses les œuvres catégoriquement, ta foi va baisser, mais ta foi ne sera pas annulée. Et c'est là qu'il tombe dans l'erreur. Parce que, comme on a pu voir, bil ijma', selon l'ijma' des ulama, comme l'a évoqué l'imam Shafi'i, que l'œuvre, ça fait partie de la foi. Et que si jamais elle est, on ne la retrouve pas, on ne trouve pas la foi. Ces trois piliers-là. I'tiqad, qawlun wa amal. Si on enlève l'amal, al-qawl wa l'i'tiqad, kadhalika, ils disparaissent. Il n'a plus de foi. Ça, c'est bil ijma'. Il dit kana ijma' al-sahaba, wa man tabi'ahum, et ceux qui les ont suivis, qala wa man laqinahum, et ceux qu'on a rencontrés, ils étaient tous d'accord que l'iman, c'était ces trois choses-là, et qu'on ne pouvait pas valider l'iman que par ces trois choses-là réunies. La yudzi ahadun minhuma illa bi salaf. Non. Fa ha wa yani khalafa al-ijma'. Fa al-muhim. On va finir ça. قال ودليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Qui est plus injuste que celui dont il lui est évoqué? Comme les ayat Rabbi, هنا c'est ayat ashra'iyya, c'est le Coran. كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Allah عز وجل il appelle le Coran بآيات, parce que ce sont des signes, yani, qui prouvent que ça vient d'Allah سبحانه وتعالى. قال ثم أعرض عنها, et ensuite ils s'en détournent. Ils sont détournés totalement. La yahmal bidhalika. Ils se détournent de l'islam. Carrément. Yani mimman dhukara bi ayati rabbihi, al murad huna bi ayati rabbihi ay l'islam. Qala inna min al mujrimina muntaqiman. Wa hadha huwa al ijram al akbar. Allah azza wa jalla, il a évoqué le fait de se détourner de la religion que c'est un crime. Parce qu'il a évoqué ces personnes-là comme étant des mujrim. Hadha kadhalika, un autre verset, un autre dalil qui montre que on met des étiquettes sur certaines des œuvres. Fait que celui qui se détourne totalement de la religion, c'est un mujrim. Inna min al mujrimina, qala subhanahu wa ta'ala, muntaqimun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, siyuhadhibuh. Naam. Fahada, ça montre clairement que il n'y a pas une plus grande injustice. Donc cette personne-là fait partie des kuffars. Qala wa la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bayna al hazil wal jad wal khaifi illa al mukrah. Il dit, rahimahullah ta'ala, pour conclure qu'il n'y a pas de différence entre ces nawaqid et l'islam. Par rapport à la personne qui est hazin, yani qui dit cela par plaisanterie. Lakin, le fait qu'il l'a dit, wa qasada zalika, il a intentionné de dire ces choses-là, on ne regarde pas si jamais il était sérieux ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a intentionné. Ça, c'est pas une excuse. Comme on a pu voir. On est en train de s'amuser lorsqu'ils ont insulté le prophète sallam. Enfin, Allah Azza wa Jalla, il ne l'a pas pris comme excuse le fait de ne pas être sérieux, de s'amuser. Qala wal-jad, celui qui est sérieux. Celui qui dit un de ces naqid min nawaqid al-islam, il est sérieux. Ça, c'est l'achakorayafique, c'est grave pour lui. Et kadhalika, pour celui qui n'est pas sérieux, c'est-à-dire il a dit ça pour s'amuser. Qala wal-kha'if, kadhalik, ani par crainte. Excepté celui qui est quoi? Qui est contraint. Excepté s'il est contraint. Et que la menace elle est concrète, kadhalika. Il lui dit, si jamais tu ne fais pas la sorcellerie, on va te tuer. S'il veut, yasbir, wa yuqtal. Et il est parmi les shuhada. Lakin, Allah Azza wa Jalla, il a donné kadhalika une autre issue. C'est-à-dire de mécroire bil lisan, tout en ayant la foi dans le cœur. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Allah عز وجل a donné une seule exception, hein, dans la, de prononcer la mécréance ou bien de faire la mécréance pour celui qui est contraint de faire la mécréance. Mais la contrainte, il faut bien savoir que c'est, parce que certains disent c'est une contrainte de prendre le riba maintenant à notre époque. Ça, c'est pas une contrainte. Tu peux demander l'argent à une autre personne, tu peux patienter, tu vois. La contrainte, c'est-à-dire que c'est une chose, si jamais tu ne fais pas, tu vas être tué. On poursuivra, Inch'Allah, demain.